Chapitre 12e. Savin n'attendait pas son maître de si bonne heure. En entendant tinter les clochettes des harnais, il se précipita sur le perron avec une émotion qu'il voulait en vain comprimer. Depuis le départ du jeune comte, il était hanté par une vision navrante. Il voyait arriver dans la britchka son maître et la jeune fille, tout seuls. Marthe Menzel restait n'importe où, pleurait sa seule joie dans un irrémédiable abandon. Lorsqu'il vit au fond de la voiture le visage rembruni de son maître, Savin ne put contenir sa satisfaction. « Tout seul, dit-il en lui présentant pour descendre son bras qui tremblait violemment. Tout seul? Dieu n'a donc pas permis que le péché restât sur votre tête. » Xavier n'était point d'humeur à entendre des sermons. Il entra brusquement dans le château, mais Savin le suivit dans sa chambre. « Elles sont parties ? » demanda-t-il tout en s'empressant de déshabiller le jeune homme. « Le diable sait où ?» répondait celui-ci d'un air sombre. Savin s'arrêta dans sa besogne et regarda dans la glace le beau visage irrité de l'enfant qu'il aimait. « Vois-tu, lui dit-il, lui parlant avec tendresse, comme au temps où le jeune maître était tout petit, « vois-tu, mon petit cœur ? C'est le doigt de la Providence qui t'a marqué pour que tu restes pur de tout forfait. Ton vieux serviteur se réjouit dans son âme de ce qui te cause aujourd'hui quelque peine, et s'il s'en réjouit, c'est que la douleur te sera bonne. J'aurais eu du chagrin, mon maître, et mon vieil âge aurait été troublé par le remords, si tu avais causé du souci à la mère et détruit le bonheur de la jeune fille. » Xavier fondit soudain en larmes. « Mais, s'écria-t-il, en tombant sur l'épaule de son vieil ami, tu ne comprends donc pas que je ne puis pas vivre sans elle? Je l'aime, entends-tu, je l'aime. Oui, je sais bien, grogna Savin. Ça fait très mal, mais avec le temps. Et puis, si c'est ton destin, tu la retrouveras. Tu crois ? S'écria Xavier en relevant la tête. Oui, je le crois, si c'est ton destin. Et j'espère que ce ne sera pas ton destin, acheva-t-il pour lui tout seul. Je la retrouverai bien, pensa Xavier. Dès demain, je me mets en campagne. Mais il avait le frisson, et il alla se coucher sans vouloir rien prendre. Le lendemain, il avait la fièvre et ne put quitter le lit.